Poème sibyllin. Dans le sibyllin de l'amour certain, se mirent à l'envers le cœur et l'éphémère. Douce sibylline, encre de l'abîme, sirène des yeux, plaisante des dieux. Inne sibylline, sense of imagine, blue like a red sea, in green fantasy. Boire à la coupe belle, dans la nuit la même, au fond des séjours de l'autour. Du cœur sibyllin à belle sibylle, que chantent les marins dans les mers tranquille. Nymphe de l'avenir, soufflant au roseau, le soleil radieux et les jolis mots. À devenir humaine, joyeuse nature, dans le cœur présent, comme la chèvre du vent. Inne sibylline, sense of imagine, blue like a red sea, in green a fantasy.